au-delà du foie à la distance. Non. Alors, je pense à ceux qui viennent en métro. Au-delà de l'émotion, le sentiment. Ce qui est intéressant dans l'émotion, c'est que c'est un facteur psychologique qui est relié à l'âme et qui a été adoré par les poètes, par les chanteurs, par les peintres, par les sculpteurs, par les narrateurs, par les religions, par les sociétés. Alors que l'émotion est un des très grands facteurs d'involution dans les races évolutives. Et la race humaine est une race évolutive. L'émotion, c'est un facteur de respiration qui permet aux forces d'involution de contenir l'humain dans son ascension pour l'obliger à se terrestrifier davantage et à rester un peu plus manipulable, disons bête. L'animal n'a pas d'émotion, ou à peu près pas d'émotion, et on va dire, l'homme, ce qui le différencie de l'animal, c'est qu'il peut aimer. Non, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'homme peut comprendre. Pas qu'il peut aimer. Un chien, à la rigueur, peut arriver à aimer, à comprendre, non. Un cheval, à la rigueur, peut arriver à aimer. Un dauphin peut aimer, à comprendre, il ne peut pas. Et parce qu'on ne concevait pas dans l'animal le phénomène émotif, on a pensé que ce qui différenciait l'homme de l'animal était le facteur émotif. Et nécessairement, ce qui différenciait l'homme de l'animal devait avoir été donné par Dieu. Et si c'était l'émotion, l'émotion était donc un don divin, donc quelque chose à adorer, à recouvrir d'or, pour lui donner le semblant de valeur qu'il n'a pas. L'émotion vieillit l'homme, la femme, détruit l'enfant. Elle rend malade l'émotion. Parce qu'elle tue. Elle fait perdre énormément d'énergie, de temps et d'argent à nos sociétés. Elle fait perdre énormément d'énergie à celui qui vit l'émotion. Elle l'embête, mais jamais elle ne l'aide. Les dieux ont dit à l'homme, « Aimez-nous. » Ils l'ont dit par la voix des prophètes, « Aimez Dieu. » De tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Toute l'énergie que vous avez, placez-le dans un canal, le canal réincarnationnel, et par la prière, adressez-le au grand têteux. Celui qui, un jour, jadis, créa l'homme par ennui, lui donna des lois, sachant qu'il l'avait créé imparfait, et sans ces lois, il savait que l'homme irait se perdre. Et il dit à l'homme, « Je t'ai fait à mon image et à ma ressemblance, c'est pourquoi tu risques de te casser la gueule toute ta vie. Et si je t'ai créé, il y a une raison. Je te la dirai un jour lorsque tu seras parfait comme moi. Parce que ton imperfection, remets-la sur tes épaules. Tu as bouffé quelque chose de pas catholique. De même, pré-juif. Une pomme. Qu'on avait placée là spécialement pour que tu ne la manges pas. On aurait pu la mettre ailleurs, mais on s'est dit, on va y la mettre d'en face. Puis on va espérer qu'il ne mange pas. On va même lui dire, il y a un arbre interdit dans le milieu du jardin. Tu ne l'avais pas vu, là, mais maintenant tu sais qu'il est là. Puis il y a des pommes après, puis ces pommes-là, mange-les pas, tu vas devenir brillant comme nous autres. Après, on s'est fié sur l'imbécilité de l'homme. Mais l'homme était plus imbécile ou pas assez imbécile, mais il a goûté. À travers cela, on a dit à l'homme comment aimer. Aimer son Dieu, de tout son corps ou de tout son cœur, de tout son âme, ça, il n'y a pas le choix, de tout son esprit, là, ça devient dangereux. Mais l'esprit n'aime pas comme l'âme aime. Alors, jamais l'esprit n'est parvenu à aimer Dieu. L'être humain qui a de l'esprit est un être humain qui est anti-théologie. C'est un être humain qui ne peut pas vivre de théologie. C'est un être humain qui n'est pas religieux. C'est même un être humain qui ne peut pas croire dans le sens croire. Il est athée. Il sait que Dieu existe. Il n'a pas besoin de croire qu'il est là. Parce que l'esprit lui amène un savoir. Il sait que Dieu existe, comme il sait que les extraterrestres existent, comme il sait que les humains existent. Mais il sait aussi quel est leur degré d'évolution. Ce qui fait que même s'il sait que Dieu existe, il n'en a pas nécessairement la même vision que celui qui croit et qui espère que sa croyance est vraie, celui qui a la foi. Lorsqu'il y a création d'un homme à l'intérieur d'un corps physique, il y a élancement, étirement d'une mamelle astrale du monde de la mort, là où vont les âmes à, leur mort, à la mort du corps physique. Et ce phénomène crée un canal qui maintenant habite un corps fœtal. Ce canal est le canal réincarnationnel. Certains appelleront cela la corde d'argent. Et à travers ce canal, ça va se réincarner 24 heures sur 24 tout au long de la vie du corps physique de la personne. À travers ce qui sera créé, une âme naîtra après quelques années un foyer d'identification suprême qu'on appellera l'ego, le « je », le « moi ». Cet ego va flotter dans les expériences non égoïsées, les mémoires volatiles, tout ce qu'on a vu, expérimenté, qu'on ne se rappelle pas trop, qui ne fait pas partie de ce que nous concevons comme étant notre personnalité psychologique. Et tout cela est enveloppé d'une membrane périspiritique, un séraphin, qui est finalement l'énergie intra-atomique constituant le système atomique, moléculaire et cellulaire du corps physique. À travers cet ego, il y a de la mémoire. À travers l'âme, il y a l'expérience. Et cette expérience doit s'exprimer. Parce que toute forme de mémoire dans un continuum comme notre système universel, comme notre petit univers local, toute mémoire a tendance à devenir de l'énergie vitale. Une mémoire est de l'énergie astrale, une mémoire émotivisée, psychologisée, astralisée, expérientielle, créée par l'expérience. Devenir de l'énergie vitale pour une mémoire veut dire s'oublier. Une mémoire identifiée qui s'oublie est une mémoire qui meurt. Être vivant, mais ne pas le savoir, c'est comme être mort. Alors, ce système mémoriel, l'ego entre autres, la focalisation de l'identité, tend à s'exprimer, à recréer les événements qui l'ont bâti, ce qui engendre dans la psychologie l'habitude. Au niveau des dieux, on appellera cela la tradition et le rituel. Chez l'homme, l'habitude. Refaire inlassablement les mêmes gestes, c'est nourrir la même expérience astrale, émotive, amique, et cela fait qu'on n'oublie pas, on reste soi. On n'oublie pas, on ne régresse pas, mais on n'évolue pas, on reste soi, on est stagnant. Pour nourrir, l'âme s'exprime. Elle s'exprime à travers le corps physique de l'homme. Elle s'exprime à travers son système endocrinien. Par des voies hypothalamiennes, elle va régir la sécrétion d'hormones dans le corps et cela va faire en sorte que le corps va réagir à l'expression hormonale et cette réaction va être lue par des senseurs corporels reliés au thalamus cérébral. Et c'est par cette région cérébrale que maintenant l'âme sera au courant de ce qu'elle a exprimé. Et c'est par cela qu'elle se nourrira. Exactement comme si elle allait aux toilettes par en arrière, puis qu'elle remangeait par en avant ce qu'elle avait jeté. C'est ça, être émotif. Nécessairement, la langue s'appuie. Lorsque nous avons peur, le cœur accélère, nous transpirons, nous avons des réactions endocriniennes. Lorsque nous apprenons une nouvelle, aussi bonne qu'aussi mauvaise, mais très puissante, certaines personnes tombent dans les pommes ou sous le tapis. Ils ont un choc psychogénique, un choc vagal. C'est-à-dire qu'ils ont une réaction biologique, hormonale tellement puissante, que le corps est stimulé par certaines hormones à ralentir sa pulsation, lentement le cerveau manque de sang et la personne tombe sans connaissance. Sur le plan horizontal, le sang revient au cerveau, elle se réveille. Elle réapprend la nouvelle puis elle retombe. Vous êtes assis sur vos chaises présentement et ici je vous demande, est-ce que vous avez peur? La majorité répondront non. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne voient pas dans leur corps physique l'expression de la peur. Mais l'ego ne sait jamais s'il a peur, si le corps ne l'exprime pas. Si subitement votre cœur se met à accélérer, si subitement vous commencez à trembler ou à transpirer, Alors là, vous direz, oui, j'ai peur. Mais c'est juste votre corps physique qui maintenant réagit, pas votre ego. Peut-être que vous n'avez pas peur. Mais le corps physique exprimant la peur, et l'ego ne lisant dans le corps ce qu'il est, ne lisant que dans le corps ce qu'il est, il en déduira qu'il a peur. Êtes-vous heureux? On vous fait respirer un gaz particulier, ça va altérer la structure biologique, et vous allez vous mettre à rire. C'est un gaz hilarant, vous serez heureux. Vous allez prendre de la boisson ou de la drogue. Ça altère la structure biologique. L'ego lisant dans le corps physique va immédiatement jouer ce qu'il lit. Il va dire « crime, mais je suis en train de triper », alors il tripe. Il va dire « crime, mais je suis en train de crier », alors il crie. Une personne obèse qui commence à jeûner devient irritable. Elle a l'impression d'involuer. Elle devient dure à maintenir. Chaque fois que nous sécrétons des hormones, les graisses en stockent une grande quantité. Et ça, c'est la mémoire astrale de ce que nous sommes. C'est pourquoi l'évolution devient un peu plus pénible. On fait un jeûne, les graisses fondent, les hormones sont relibérées, le corps réagit, et l'ego se dit « crime, qu'est-ce que j'ai à être aussi nerveux? » L'ego n'est pas nerveux, le corps exprime la nervosité. Chaque fois que nous avons une émotion, elle est exprimée dans le corps par le système endocrinien. Étant exprimé, le corps réagit. Réagissant, l'ego peut le lire. J'ai dit souvent que l'ego était comme l'œil. L'œil voit, mais ne se voit pas. Alors, il doit laisser une trace quelque part. Et la trace, ça, il la voit. Voyant ce qu'il laisse, il en déduit qu'il est. C'est ce qui a fait dire à un fifi coquin un jour, « Je pense, donc je suis. » Alors qu'en réalité, il aurait dû dire, « Je pense, donc j'étais. » L'émotion privilégiée parce que toute notre structure animatrice est animée, orchestrée, régie, supportée par l'âme. Et l'âme n'a que deux fonctions majeures, régies par deux lois. S'exprimer, se nourrir. S'exprimer lui permet de prendre conscience qu'elle est là. Se nourrir lui permet de rester là. De ce fait, l'évolution astrale, spirituelle, est extrêmement pénible parce que toute la spiritualité refuse le neuf. Elle ne parle que de tradition. On a un problème nouveau. Sortons la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, le Talmud. Sortons le passé pour expliquer le neuf. Ça, c'est la spiritualité. La spiritualité est, à l'échelle planétaire, un facteur supportant l'ignorance de l'humain. Mais à l'instant où on commence à devenir conscient, la spiritualité est l'un des facteurs les plus involutifs, après l'émotion. Elle nous confine à rester attachés à ce qui nous a permis de monter. Aucune religion, aucune spiritualité sur la planète n'a libéré l'homme d'elle-même. Cela esclavagit l'homme et le garde. Lorsque l'être humain veut toucher quelque chose de neuf, de nouveau, il doit arracher une peau, il doit muer. Et en termes évolutifs, on dit muter. Il devient un mutant. Il devient las d'expliquer les choses à partir des explications des autres. Surtout à partir de ceux qui, malgré leurs explications, sont morts. Lorsqu'il devient intelligent, il ne peut plus faire confiance aux explications du passé. Toutes ces explications théologiques, philosophiques, spirituelles, ou etc., n'ont pas empêché l'humain de faire les grandes guerres, n'ont pas empêché l'humain d'avoir un deux tiers monde pourrissant en voie de sous-développement, n'ont pas empêché l'humain d'en arriver à une peur apocalyptique. Non, ça n'a rien empêché. Alors ceux qui se réveillent vers quelque chose de conscient, d'intelligent, de neuf, comprennent l'absolue nécessité du passé, dans le passé, et maintenant veulent faire atterrir du neuf, dans le neuf, là où ils vivent, eux. Alors, lentement, pour mieux se faire, pour ne pas devenir des martyrs de la transition supramentale, appelée MTS, ils observent. Ils observent des mécanismes chez autrui et chez eux. Et à travers ces mécanismes, ils vont se rendre compte que l'amour est ce qu'il y a de plus mortifiant chez l'humain. Qu'on a tué des peuples entiers au nom de l'amour d'un Dieu. Qu'on a sacrifié les plus beaux enfants à l'époque où on faisait des sacrifices humains pour l'amour de son Dieu. Très évolutif! Du point de vue mutatif biologique, à travers tous les peuples et toutes les races, les enfants les plus parfaits sont l'assurance d'une descendance plus évoluée. La religion étant traditionnelle, Dieu demandait à son peuple qu'on lui donne la vie des plus beaux spécimens, de façon à garder les plus taris sur la planète pour que l'évolution biologique raciale se fasse lentement. Et si les dieux auraient dit « Donnez-moi les malades », ça aurait été plus intelligent. Mais un dieu n'étant pas intelligent, il a demandé le plus beau. Il était mécaniquement assujetti à la peur de se faire dépasser par lui-même. Vous avez des grains de blé, vous avez des bons grains et des mauvais grains. Si vous plantez les mauvais grains d'année en année que vous mangez les plus beaux, après 10 ans, vos épis de blé seront tellement maigres et feluettes que vous ne pourrez même plus les manger. Si vous vous privez, vous mangez les plus laids et plantez les plus beaux, dans 10 ans d'ici, vous aurez les plus beaux grains de blé jamais, qui auront jamais poussé sur la planète. Dieu a mangé les plus beaux et laissé sur la terre les plus laids. C'est nous autres. Restons laids. Soyons hypocrites. Acceptons d'avoir de la moutarde un peu sur le coin de la lèvre. Les meilleurs partent toujours en premier. Faisons attention. Très sérieux. Fiez-vous sur les dieux. À travers ce vécu, on prend conscience, premièrement, que l'amour devient un mythe total. Il y a trop d'amour sur cette planète. Certains aiment leur argent, d'autres leur femme. D'autres l'image de leur femme dans leur conscience, d'autres leur mari, d'autres l'image du mari dans leur conscience, d'autres l'image que les enfants suscitent chez eux. D'autres aiment leur drapeau, leur président. D'autres aiment leur haine, ils aiment leurs armes, ils aiment leur Dieu. Si nous éliminons cet amour psychologique à l'échelle de la planète, les Russes ne sont plus un danger pour les Américains et les Américains pour les Russes. Il n'y a plus un Américain qui aime suffisamment son pays pour prétendre le défendre en cas de guerre. Il n'y a plus de Russe qui aime assez son pays pour prétendre le défendre en cas de guerre. Il n'y a pas un Russe qui aime assez son pays puis son parti pour aller se faire tuer sur notre terre. C'est la paix partout sur la planète. Si on laisse tomber l'amour. Au-delà de l'émotion, et l'une des grandes émotions humaine est l'amour, il y a le sentiment. J'ai déjà dit en conférence que l'amour véritable n'était pas une émotion. J'ai expliqué la semaine dernière que l'émotion était comme manger un gâteau au chocolat. On prend le gâteau, on le met dans une assiette, et on le regarde, et on le trouve beau, et on en a envie. Mais on ne le connaît pas, on ne l'a jamais goûté. On ne connaît pas l'amour. Je ne parle pas de l'amour physique. Ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est du sexe. Pareil, on peut aimer en faisant du sexe, mais il y a une grosse nuance. Et on prend le morceau de gâteau, on coupe un petit bout, puis on le mange, lentement. Et on en savoure la saveur pour la première fois. Ça, c'est un sentiment. On n'aime pas le gâteau. Non. On mange le gâteau. C'est pas pareil. Et une fois qu'on l'a mangé, si on devient émotif, eh bien, on refuse de le digérer. On refuse de faire en sorte que le gâteau devienne de l'énergie pour nous nourrir. On le garde dans notre estomac en gâteau. Et le soir, avant de nous coucher, on pense à ce gâteau. Alors, on le revomit dans notre bouche, on le remange. Là, on regoute le gâteau. C'est ça, l'émotion. Alors, nécessairement, à force de tripoter le gâteau, il va perdre lentement de sa saveur. Mais étant donné qu'on veut absolument pouvoir se remâcher ce gâteau-là n'importe où, on va se mettre en recherche de gâteaux comme ça, pour remplacer celui qui est là, pour qu'on puisse continuer à remâchouiller ça. Alors l'émotion, le remâchouillage d'un sentiment, engendre le désir. Et nécessairement, le désir engendrera la peur. Il y a un bidésir chez l'humain. Il désire être grand, il désire donc ne pas être petit. Il désire être riche, il désire donc ne pas être pauvre. Il désire vivre, il désire donc ne pas mourir. Chaque fois que l'humain a un désir, il a un désir anti-antagoniste, un désir inverse. Et la friction entre les deux, c'est la peur que nous connaissons. Chaque fois qu'on a un désir, on a peur. Plus on désire, plus on aura peur. Moins on désire, moins on aura peur. Quelqu'un qui ne comprend pas l'idée, bien on prend un revolver, on le braque sur sa tempe et on lui dit « Je compte jusqu'à 12 et je te tue comme ça pour plaisir. » Vous allez voir comment il va le désirer vivre. Et vous allez voir comment il aura peur de la mort. Parce qu'il désirera ne pas mourir. S'il ne désire pas vivre, il ne peut pas vivre la friction. Alors il sera neutre. Mais possiblement beaucoup plus efficace. Il n'aura pas d'émotion. Première fois qu'on mange un gâteau, on doit le digérer. Le digérer, on en fait de l'énergie qui va nourrir notre corps physique. Et on oublie le gâteau. Il n'y a plus de gâteau. Capote, le gâteau. Digérer. Il est nous. Alors nous ne pouvons pas refuser l'évolution au nom du fait que nous voulons retriper sur le gâteau. C'est comme un enfant qui, la première fois, goûte le lait de sa mère, décide de ne pas s'en servir, de ne pas se le digérer. Il peut le ramener, puis goûter, puis le ravaler, puis le ramener, puis goûter, puis le ravaler. Va mourir. Bien entendu, à force de jouer comme ça, ils vont digérer une petite partie. Alors, ce sera un enfant très maigre. Qui plus il aura de lait à mâchouiller, moins il voudra boire. C'est ce qui arrive avec la vie. Plus l'humain a d'expérience en arrière, donc chez lui, moins ça tente de foncer en avant. Plus faim. Il appelle cela s'assagir en vieillissant. Moi, j'appelle cela vieillir en vieillissant. Et plus le goût d'aventure. Oh, les jeunes, on sait bien. Les jeunes n'ont rien à mâchouiller, pas assez. Pas assez d'émotions chez le jeune. Et plus on vieillit, plus on en a du stock à mâchouiller. Il y en a qui en deviennent même radoteux. Cette énergie astrale devrait servir l'évolution de l'homme. En réalité, elle sert la stagnation de la conscience de l'homme et elle sert à nourrir le monde de la mort. Le sentiment, c'est une vibration. Une vibration qui est engendrée par l'extérieur. Une émotion est une vibration. Une vibration engendrée par l'intérieur. Lorsque nous sommes enfants, n'ayant pas suffisamment d'intérieur pour bouger, nous recherchons la vie dehors. Lorsque nous accumulons de l'expérience de la vie, l'expérience de sentiments, nous l'aimons, et c'est là le problème. Nous l'aimons psychologiquement, astralement. Alors nous cessons de la digérer énergétiquement, nous cessons de devenir épais, et nous devenons minces. Minces dans le périsprit, minces dans l'énergie vitale, parce qu'on ne digère plus. Épais dans l'ego, on accumule de l'émotion. Alors on devient de plus en plus influençable par autrui, collectivisable, périsprit de l'homme étant trop mince, on n'est pas assez épais. Le compliment est épais. Et lentement, on devient mince dans le corps vital du corps physique, alors on devient malade. Alors, il y a des glandes endocrines, qui commencent à se calcifier, à se démolir. Alors, la fatigue devient de plus en plus évidente. Le stress nous embirbificote pas mal plus. Et lentement, après un processus de non-digestion d'énergie vitale, nous aurons épuisé ce que la naissance nous a donné. Nous aurons épuisé la jeunesse léguée par la génétique. Et étant donné que nous n'aurons pas fait de réserve énergétique à travers notre vie, mais que nous aurons bâti un ego avec cette nourriture, de façon à revivre l'émotion, à pouvoir aimer quelqu'un même s'il n'est pas là, à se nourrir de sa présence s'il n'est pas là. On rejette ça dans la bouche, on remâchouille sa présence. On a hâte qu'il revienne. Parce que qu'il nous la renourrisse un peu plus. Loin des yeux, loin du cœur, ben à force d'avoir remâché ta vomissure pendant 7-8 ans, puis rien, plus de goût là-dedans. Oh, tu veux l'oublier l'autre. Tu trouves quelqu'un qui peut te donner du gâteau, tu embarques avec. C'est ça l'émotion. Et au lieu de se servir du sentiment pour se nourrir, On s'en sert pour émotiviser. C'est comme de prendre de l'argent, de l'énergie divine, et au lieu de s'en servir pour s'instruire, pour s'habiller, pour se libérer de la matière, pour voyager, on la met en banque. On est riche. Laid, débile, con peut-être, mais riche. On ne fait rien. Et ce n'est pas l'argent qui nous libère. On a 20 000. Un autre 10 000, puis là, on va être libre. On a 50 000. Un autre 20 000, puis là, on va me sentir. On a 100 000. Petit voyage comme ça, là, ça a coûté juste 2-3 000 piastres, là, mais un petit... Oui. Les plus pauvres sont souvent ceux qui voyagent le plus, de parmi les jeunes. Ils voyagent en faisant du pouce. Et j'ai connu beaucoup de jeunes qui sont partis avec rien, qui sont venus avec un peu plus d'argent qu'au départ. Puis ils ont traversé le Canada, travaillé dans les Rocheuses, ramassé des oranges en Floride, ils se sont promenés un peu partout. Lorsque nous goûtons à un événement pour la première fois, nous ne pouvons pas l'émotiviser. C'est-à-dire que nous pouvons expérientiellement créer l'émotion, mais pas pendant qu'on l'observe. Alors on le voit. Cette beuverie d'ombre de forme de l'événement nous nourrit. On s'écrase, on se relaxe subitement, on se rajeunit. On est capable de rien faire le temps qu'on boit un paysage, un événement, une personne, une parole, quelque chose. C'est génial. La problématique, c'est qu'à le moindrement qu'on en a juste assez absorbé en énergie, on commence à stocker le reste pour ne pas oublier l'événement. La pire invention sur la planète, libérée dans le public, c'est la science, c'est la photographie. Où là, on ne prend même plus le temps de voir un nombre de formes d'un paysage. On fait schnick, puis on s'en retourne chez nous pour pouvoir voyager après ça dans notre salon avec les voisins. On a des enfants. Vous pouvez, faites l'expérience d'aller voir comment c'est instructif. Allez-vous-en dans un centre d'achat devant un Père Noël. Puis calculez le nombre d'enfants qui broillent pour ne pas aller sur le Père Noël se faire prendre en photo. Puis regardez la quantité de parents qui insistent. Qu'ils le mettent là, puis qu'ils font des zigouzis en avant pour qu'il sourie le bébé, alors qu'il veut foutrement rien savoir du bonhomme à barbe synthétique. Et vous allez voir ce que c'est. On se nourrit même plus du bébé. On a un archétype, un idéotype de ce qui doit être fait quand on est un bon parent. Pour bien remarchouiller les cochonneries. Le bébé. C'est pas grave. Une minute. Oui, le trophée, il peut bien fermer la gueule une minute. On va prendre une photo. Le sentiment, c'est la résonance à un événement. Un événement peut être une personne, une parole, un objet, une quantité de choses additionnées ensemble. Première fois que vous prenez l'avion, le gros budget, il se penche, puis il décolle. Vous regardez par le hublot. Si vous êtes bien émotif, vous regardez comme ça. Les yeux placés entre les genoux, le sac en papier pas loin. Si possible, assis sur le bord de la rangée, vous ne voulez rien voir. Là, vous êtes très bien. Vous êtes pas loin de la mort. J'ai voyagé avec une personne. Je suis descendu en auto de Montréal jusqu'à Guatemala, Ciudad, au Guatemala. Elle a fait le voyage assis entre les bancs à terre. Surtout au Mexique, où il y avait des précipices. Elle n'a rien vu. Lorsque nous sommes encore jeunes, on peut trouver ça drôle. Sachez que très sournoisement, l'émotion va vous tuer. Et à un moment donné, on ne vous pourrez plus. Vous allez dire, « Ah, moi, trop d'émotions, là, le cœur que j'ai tellement démoli mon cœur à avoir des émotions que là, si je continue, m'a tué. Comme ma vie tient à mon cœur, je ne peux plus écouter de partie de hockey. Je ne peux plus acheter le billet de loterie au cas que je gagne. Il faut qu'on me prépare 3 semaines d'avance pour m'annoncer quelque chose. Je ne peux plus faire d'affaires. Je ne peux plus avoir trop d'émotions. On dit d'émotions fortes. Savez-vous ce que c'est qu'une émotion forte? C'est une émotion simplement qui est trop forte pour ce qu'on peut soutenir. Mais ce n'est plus pas d'émotions fortes. On a 12 ans, on a 25 ans, on a 30 ans, on s'en va dans la ronde. Et qu'est-ce qu'on fait de notre puissance? Rien. On accumule de l'émotion. Alors, au lieu de se servir de notre jeunesse pour se conscientiser, bâtir un corps physique qui va nous supporter, on gruge l'énergie génétique laissée par notre mère. Elle ne s'épuise pas pour rien en 9 mois. Elle nous en donne de la puissance. Au lieu de se servir de cela, et en même temps d'accumuler de l'énergie, on pourrait tirer notre jeunesse jusqu'à... Moi, je l'ai dit souvent, je vais vivre longtemps, mais je ne vivrai jamais vieux. Mais l'humain veut vivre vieux. Mais il réussit. Il vit peut-être pas longtemps, mais il vit vieux. Au lieu de conserver l'énergie événementielle, l'énergie de l'événement pour simplement s'en abreuver, boire, la manger, s'en nourrir et l'oublier, ce qui donne une jeunesse très longue. Plusieurs vont dire que ça ne se peut pas parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Mais vous avez juste regardé des corps physiques habités par des égos émotifs. Dans l'égo émotif, il n'y a pas de longévité. Ça ne marche pas. Plus on a de l'émotion, plus on sécrète endocrinalement. Plus on se donne des doses massives d'hormones. Mais c'est pas ça la vie. Ça, c'est la mort. Je vous coupe un bras, ça saigne. Immédiatement, votre corps va réagir comme s'il était en état de choc. Énormément d'hormones seront sécrétées pour donner des ordres au corps physique, au corps pour qu'il accélère en force et en rapidité, aux vaisseaux pour qu'en périphérie, ça se contracte, donner plus de sang à l'intérieur. Il y aura des changements au niveau de votre système rénal. Il y aura des libérations de sang au niveau du foie, du pancréas, des sinus caverneux. Il y aura un paquet de mécanicité pour vous empêcher de mourir. Je ne vous coupe pas le bras. Je vous attends quelque part sur le trottoir la nuit et je fais même réaction. Votre cœur s'accélère en force et en rapidité. Vous devenez blanc comme un drap. Vasodilatation, contraction des vaisseaux périphériques. Même chose. Identique. Et pourtant, là, vous n'étiez pas en danger de mort. Mais votre corps réagit pour vous sauver la vie. Alors, il se passe quelque chose. C'est ça l'émotion. Vous rougissez de honte. C'est une vasodilatation. C'est aussi endocrinien. Quelle que soit l'émotion, vous le savez seulement si votre corps physique l'exprime. Et le corps physique l'exprime parce qu'il réagit contre quelque chose. Vous avez un accident, on vous fait une fracture, il y aura des réactions de lutte pour vous empêcher d'aggraver biologiquement votre cas ou pour vous empêcher de mourir. Et on peut reconnaître les mêmes réactions biologiques ou bio-endocriniennes dans une expression émotive. Alors, si ça réagit comme ça pour sauver votre vie, il se passe quoi quand ça réagit de la même façon alors que c'est psychologique? Êtes-vous capable d'accélérer votre cœur à volonté? La majorité vont dire non. Et moi, je dis oui, c'est facile, je peux vous donner un cours de 35 secondes pour que vous puissiez contrôler votre cœur. Pensez à quelque chose qui va vous faire peur. Vous allez voir immédiatement la patate va augmenter. Simple. Hein? Il y en a qui vont dire les yogis font des grandes respirations. Non. Ils se branchent simplement sur quelque chose qui les apaise psychologiquement ou qui va les accélérer psychologiquement. Ils sécrètent de l'acétylcholine, sécrètent de l'adrénaline, dépendant de ce qu'ils ont besoin. Pensez à une émotion particulière. Et si vous arrivez à la vivre suffisamment, à la remâchouiller, votre corps physique va vivre la même chose. Messieurs, c'est facile! Fermez vos yeux, imaginez une jolie fille! Et vous verrez comment ça va sécréter. Vous allez même être pris avec. C'est de l'émotion. Nous devons manger des aliments convenables. Un aliment convenable est toujours un aliment qui remplit les besoins du corps physique. C'est pas être végétarien, être frugivore, être carnivore ou être herbivore, c'est pas ça. Quand on a besoin de viande, le corps le sait, on mange de la viande. La psychologie ne devrait jamais s'en mêler. Quand on a besoin, à un moment donné, de noix, on mange des noix. La psychologie ne devrait jamais s'en mêler. On ne peut pas faire une tradition alimentaire. La psychologie ne peut pas spirituellement ou philosophiquement décider qu'est-ce que le corps va bouffer. Non. Elle ne se mêle pas de son monde. Comme d'ailleurs, elle ne s'en mêle jamais. Si on mange d'une façon équilibrée au niveau corporel, c'est intéressant. On va vieillir en santé. J'en connais plein de gens, moi, qui suivent des régimes absolument géniaux. Puis qui sont plus fripés que moi. Qui ont le même âge que moi. Et qui paraissent beaucoup plus âgés que moi. Qui ne peuvent pas me suivre à la course. Qui ne peuvent pas escalader les montagnes où je vais passer. Qui ne peuvent pas faire la même affaire. Pourtant, ils ont un maudit bon régime. Moi, je vais chez McDonald's. Je vais acheter des cochonneries de temps en temps. Puis de temps en temps, je mange bien. Je mange toujours bien. Je mange ce que j'ai besoin. Mais il y a autre chose qu'on doit faire pour ne pas vieillir en santé. Maintenant, ça va être de vivre en santé. C'est d'aller chercher un autre aliment, l'énergie vitale. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que de l'énergie vitale, c'est ce que les acupuncteurs essayent de faire fonctionner avec leurs aiguilles. On en connaît deux types, yin, yang. Yin solaire, yang tellurique, planétaire. Et il y a un autre type, ominal, qu'on ne connaît pas. Les plantes se nourrissent de soleil et du sol. Plus évoluées en énergie vitale, l'herbivore mange la plante parce qu'il n'est pas capable de se nourrir directement du soleil et du sol. Plus évolué en conscience, le carnivore ne peut pas manger la plante. Il est trop vibratoire, il y a trop de séparation, il mange l'herbivore. Plus évolué, l'homme mange de tout, y compris du chocolat. La problématique, c'est qu'il a tout ce qu'il faut pour être, pour vivre longtemps, très longtemps. Il se nourrit mal. Mangez biologiquement, matériellement, ce que vous voulez, mais mangez-en pas trop. Nourrissez pas votre psychologie, nourrissez votre corps physique. Comme le corps aura la sensation. Vous vous levez un matin, puis vous avez le goût, vous ne voyez que ça, de la crème glacée. Vous êtes peut-être enceinte. Mais possiblement que dans la crème glacée, il y a quelque chose que vous avez besoin. J'ai connu une personne, moi, qui, à un moment donné, on devait arrêter l'ambulance avec laquelle je travaillais, puis elle sortait, puis elle s'achetait un coke. Fallait qu'elle aille chercher un coke. Et je laissais aller chercher son coke. Elle a besoin de son coke. Je l'ai cherché son coke. Est-ce qu'elle était mal prise? Ben oui, elle a besoin d'un coke. Mais elle avait le choix. Se donner des piqûres pour contrôler son diabète ou réagir strictement aux besoins innés en sucre de son corps. Tant qu'elle réagissait strictement aux besoins innés en sucre de son corps, ça allait bien. Quand on a une psychologie qui ne réagit pas aux besoins stricts du corps, mais qui peut réagir aux besoins psychologiques, aux besoins de l'émotion, mange donc là, une pomme, là. Ça va me permettre moi, de remâchouiller ça dans ma conscience. Ça me nourrit, j'aime ça, les pommes, psychologiquement. Fume donc ta cigarette, même si tu n'as allumé 4-5, tu ne t'en rends pas compte. Ça me permet de mâchouiller l'expérience de sécurité à l'intérieur de moi. Il faut faire attention pour nourrir son corps en fonction de ce que le corps a besoin. Attendez d'avoir faim avant de manger. Et vous allez voir que votre corps va vous dire quoi manger. Mais là, vous allez vieillir en santé. C'est quand même déjà beaucoup mieux que de vieillir en maladie. Vous sortez. Vous écoutez, vous rencontrez, vous vivez. Faites l'effort pour ne jamais retenir ces choses. On vous donne un nouvel emploi. C'est correct. Retenez l'adresse. Mais ne retenez pas le plaisir que vous allez exprimer lorsque vous allez avoir l'emploi. Quand vous arrivez chez vous, n'en parlez pas. C'est dur à partager. C'est dur à ne pas partager les expériences. Vous gagnez 500 000 $ à la loterie, fermez vos grands gueules. N'en parlez à personne. Et vous allez voir comment c'est pénible à supporter. Savez-vous pourquoi? Parce que pour la première fois de votre vie, possiblement, votre estomac vital est plein d'énergie. alors vous avez le goût de vivre, de sauter, de crier, de vous promener, vous ne tenez plus en place. C'est ça la vie, la jeunesse. Communiquez-la pas, gardez-la. En la communiquant, vous allez faire triper un petit peu les autres, mais vous ne les rajeunissez pas. Puis l'énergie qui vous sert d'aliment vital, là, vous la gaspillez. Oubliez-la. L'émotion. Le sentiment. Vous vous promenez sur la rue. Vous avez un peu d'argent, vous avez un manteau, quelque chose, puis vous décidez subitement d'aller aider quelqu'un qui est mal pris. Comptez-le pas. Fermez vos boîtes. Dites-le pas. L'énergie que vous cumulez par ce genre de geste fait mal à l'ego. C'est lui qui a de la difficulté à le supporter. C'est lui qui a le goût que vous le parliez. Cette énergie anégoïse l'ego. Elle donne à l'homme de l'intelligence en détruisant chez l'homme sa mémoire. L'ego, l'émotif, veut pas. Or, il dira, c'est un poids trop dur à supporter. Il aura besoin de partager. C'est le terme illusoire, fictif et poli qui devrait être jeté aux poubelles. Vous allez voyager dans un pays, vous voyez des paysages extraordinaires. Assoyez-vous donc sur vos lauriers et regardez-le. Puis quand vous... Voilà, vous avez juste tout droit au bus qui était à boire. Maintenant, levez-vous, prenez pas de photos. Puis allez-vous-en. Puis comment c'était? C'est correct. C'est 10 ans, pas plus. Essayez ça pendant un an. Oui, on ne peut pas prendre une personne qui souffre de rachitisme total par malnutrition, puis en lui donnant 3-4 mi-ouest, on va être en pleine forme courir les Olympiques. Il faudra qu'on la nourrisse lentement, au fur et à mesure de l'expansion stomacale, du retour des capacités digestives. En plus, elle aura des nausées, des vomissements dans le début, même si c'est des bons aliments, parce qu'elle n'est plus capable de prendre ça. Ce sera tellement dur à porter sur sa conscience. Et puis après, un laps de temps, d'un an, avec un entraînement convenable et un retour à l'alimentation correcte, l'individu rachitique sera correct. C'est la même chose pour ceux qui ont perdu de cette énergie de vie. J'ai déjà expliqué dans plusieurs conférences comment cesser de perdre son énergie en coupant avec les têteux, les vampires, ceux qui nous laissent siphonner, ceux qui, après leur contact, nous laissent épuisés, en colère, nerveux, impatients. Cela, il faut couper. Mais on peut se nourrir en plus. C'est de passer au-delà de l'émotion. Vous avez des enfants. Vous avez un ami, une amie. Un mari, une femme. En réalité, on dit vous avez parce que la langue française est bâtarde, vous ne les avez pas. Ils restent avec vous. Et chaque fois qu'ils rentrent chez vous, ça stimule dans votre ego quelque chose. Ça vous rend heureux. C'est ça l'émotion, l'amour. La journée qui ne rentre pas, ça vous rend malheureux. Ça vous rend inquiet, angoissé. Vous ne l'aimez pas, l'individu. Vous le têtez. Quand il arrive, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est que t'étais! Hey! Il m'a fait vivre quelque chose que je ne veux pas. Au nom de l'amour, il est mon esclave. Il doit arriver à l'heure ou me téléphoner. Parce que comment voulez-vous que... Moi... Merde. Pense à moi un peu. Je me fais du mouron, je suis inquiet. Je dors pas. Ça, c'est l'amour. C'est beau. Puis pour le vérifier ici en tête, quand on aime quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On fait. On aspire à nous de l'énergie vitale. Ça, c'est le symbole. t'embrasses ta chatte, t'embrasses ton char, t'embrasses ta maison, tes murs, ta terre, ta femme, ton mari. Moi, où je vais, il y a des places comme ça que ça embrasse, tout le monde s'embrasse, c'est la preuve de l'amour, si on s'embrasse pas, il y a quelque chose qui va pas. Il m'invite pas souvent. Ils sont bien frustrés d'être là. Puis moi, je les regarde, puis je leur dis bonjour. Ça va bien? C'est sûr que ceux qui aiment siphonner l'énergie des autres vont dire, ben voyons donc, fait que s'embrasser, c'est normal. Mais oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Aller en Iran, c'est normal de tuer les Irakiens. Absolument normal. L'émotion, c'est ce qui nourrit l'anti-homme chez soi, ce qui travaille contre nous. Si on fait le pour et le contre de l'émotion, il n'y a rien de pour. Dans la conscientisation, il y a tout pour. Dans l'égoïsation, ça ne sert à rien d'autre. Quand on en est rendu à un point, on est capable de conscientiser de l'intelligence, d'accepter des choses neuves. Eh bien, on reste charrié par l'émotion qui fait partie de l'évolution lunaire, reliée à l'animal humain. Et on doit passer à un autre facteur, l'énergisation, par l'abreuvage au sentiment, ce qui, à la longue, va engendrer l'énergification, qui est la construction énergétique du double éthérique, qui rend l'homme immortel, la femme aussi. Il en fait avec. Votre corps physique peut mourir, on s'en fout. Vous n'irez pas dans le monde de la mort. Et vous allez vous réincarner vous rappelant ce que vous êtes. Alors qu'aujourd'hui, comme depuis le début des temps, on meurt physiquement, on broye un peu dans le plan moronciel. Si on est bien bon, on vient fantomatiser les choses. Puis après un grand bout de temps, bien, le fantôme disparaît à force de ne plus être nourri par le corps physique. Il finit par oublier les parties. Il gagne le monde de la mort, le ciel. Et là, il est totalement digéré dans le monde de la mort. Et puis après ça, on n'est plus rien. Quand on se réincarne, on ne se rappelle plus qui on était, qui on a été, on ne sait plus rien partout. Et dans ce genre d'évolution, seul le corps physique compte. L'évolution génétique à travers les lignées familiales. Si on est capable de comprendre le sentiment, et si on est capable de comprendre l'émotion. C'est évident qu'en sortant d'ici ce soir, vous allez avoir encore des émotions. Ça va de soi. Tout votre corps physique est programmé pour permettre à l'ego de s'exprimer et de se nourrir. À même votre corps physique. Tout à l'heure, j'ai dit une chose. Vous avez un accident, il y a des réactions endocriniennes très facilement décodables biologiquement. Le corps réagit. Vous êtes joyeux, vous avez honte, vous êtes gêné, vous avez le trac, vous avez peur. Le corps physique réagit de la même façon. On peut faire un décodage, décrire les symptômes de toutes les agressions biologiques et observer quel est le système endocrinien qui se met à réagir, la quantité ainsi que la puissance de réaction. Et puis après ça, si on prend tout le facteur émotif chez l'humain, on va être capable de trouver des relations entre l'un et l'autre. On pourra dire, quand tu es heureux, c'est exactement comme quand on t'arrache une dent. On pourra dire, quand tu as peur, c'est exactement comme quand on te pile sur le pied. On pourra trouver des choses comme ça. Si le corps physique réagit endocrinalement lorsqu'on l'agresse biologiquement, c'est qu'il lutte contre. S'il réagit endocrinalement lorsque l'émotion s'exprime, c'est qu'il lutte contre. Quand on vous coupe, vous saignez. Perte de sang égale perte de vie. Réaction physique. Quand l'ego s'exprime dans votre corps, il tète tellement d'énergie vitale, c'est d'ailleurs ce qui va vous faire vieillir, que cette perte de vie, non plus par le sang, mais par l'énergie vitale, engendre une mécanique réflexe dans le corps physique et immédiatement, il se met à lutter selon ses capacités matérielles contre ce drainage de vie. La problématique, c'est que ce drainage, cette lutte, ne compense pas, mais elle épuise à la longue. On sait que si on injecte trop de stéroïdes anabolisants à des athlètes, bien qu'ils développeront leur corps physique d'une façon disons, olympiquement esthétiques, seront sujets à mourir très rapidement. C'est des hormones, c'est tout. Juste des hormones. Et nous, on passe notre vie à s'en donner des hormones. C'est légal. C'est même suggéré, souhaité. Toutes les émissions de télévision le font. Vous allez à un combat de boxe. Mieux. Vous avez un duel. Vous êtes encore à l'étape des duels. Bon. Alors, vous devez aller boxer avec quelqu'un pour prouver à je ne sais qui, à vous ou au Dieu ou à vos voisins, que vous êtes un mâle. Bon. Et avant d'aller au combat de boxe, là, il est à 4 heures, c'est dans la cour en arrière. Avant d'y aller, prenez une cassette vidéo de Rocky, puis foutez ça dans la vidéo, puis écoutez l'émission Rocky. Ou encore La Ceinture Noire ou des films de Bruce Lee. Écoutez ça, là. Puis là, vers la fin, avec la grosse musique, le générique, là, il est 4 heures. Sortez en bas. Vous avez 90% des chances de planter l'autre, alors que peut-être vous en aviez seulement 20 avant. La dynamique émotive de la vision de ce qui se passe dans ça aura fait sécréter chez vous suffisamment de système hormonal, vous aura donné une énergie pour faire en sorte que votre corps réagissent comme la musique et l'image ont voulu le faire. C'est bâti comme ça, un bon film, ça sert à ça. Alors l'ego se prendra. L'ego n'aura pas le choix de lire le boxeur. Et alors il vous permettra d'être boxeur. Puis rendu en bas, ça va rayonner. L'autre va savoir que le gars qui était en avant, là, il jouait peut-être la tapette au bureau, mais là, c'est passé quelque chose. Ouais, vous vous serez simplement dopé hormonalement avec vos hormones naturelles en écoutant. Un film. Vous voulez avoir peur? Pas compliqué. Mettez une cassette qui vous fait peur. Puis regardez le film. Vous allez sécréter. Alors, on ne doit plus jouer ce genre de jeu. Le jeu de la vieillesse. Vieillir en beauté. Vivre vieux. Goûtez donc à la vie tout de suite. Fermez vos boîtes. Parlez-en pas, mais ruminez-le pas. Quelqu'un s'en vient, vous fonce dessus. C'est un joueur de football qui se pratique dans le métro. Bon. Il vous fonce dessus. Vous revolez sur un banc, assis sur les fesses de quelqu'un. Vous vous relevez debout. Et puis, oubliez ça. Tous les événements sont nutritifs. Il possède suffisamment de ligo-éléments ou d'égo-éléments. C'est nutritif. Allez vous asseoir. Prenez la rame de métro. Allez-vous en destination. Sortez. N'en parlez pas. Oubliez ça. Et vous allez voir comment la vie va changer. Vous n'aurez même plus besoin d'être positif. Pourquoi vous auriez à être positif? Vous allez rajeunir, vous allez vous nourrir, vous allez être de moins en moins malade, être de mieux en mieux. Pas avoir d'angoisse, pas avoir de honte, pas avoir de problème. Oubliez ça. Qu'est-ce qu'on doit oublier? Pas la destination. Mais ce qui se passe pendant, n'oubliez pas de manger, mais oubliez ce que vous avez mangé une fois que vous l'avez mangé. Oubliez-le. Les individus qui détestent manger et qui mangent pour s'alimenter, pour se nourrir, ne sont jamais gros. Mais ceux qui mangent, puis qui parlent de ce qu'ils mangent en mangeant, puis qui en parlent après, puis qui en parlent une demi-heure avant, ils ne digèrent pas. Ils stockent. Mais s'en servent pas pour vivre. Ils stockent. Ils engraissent. Égoïquement, c'est la même chose. On s'en va quelque part. Bon, un jour, j'ai fait un voyage au Pérou. Prochainement, je vais peut-être aller soit en Australie, soit dans le désert de Gobi, en Mongolie du Nord. Les individus qui vont venir avec moi, ben, c'est la même chose. S'ils commencent à voyager 3 mois avant, ils se vieillissent, ils ne se préparent pas pour le voyage. Dans l'avion, tu te prépareras pour le voyage. C'est-à-dire, passer à la douane à l'arrivée. Quand tu passes la douane à l'arrivée, est-ce que tu es Québécois? Non. C'est où le Québec? Je sais pas, je veux pas savoir c'est où le Québec, je m'en fous. Je veux savoir où c'est qu'il y a un hôtel. Je veux savoir où c'est qu'il y a des collectivos, des taxis, des tapis, des n'importe quoi, pour aller à une destination où je m'en vais. C'est ça ce que je veux savoir. Je veux savoir où je peux manger. Puis quand t'as fait ta première journée, tu commences pas à triper dessus, t'as pas dormi de la nuit. Tu te couches, ton chapeau sur la face, puis tu te couches. Le matin, tu te réveilles, tu t'étires, tu prends tes bottes, tes secoues pour faire tomber les bébites au cas, tu les mets. Tu secoues ton manteau, tu le mets, tu secoues tout ton linge d'ailleurs. Pour deux choses. Éliminer les scorpions, puis voir si t'as encore de l'argent. Et puis après ça, tu repars ta journée. Celui qui vit du sentiment se promène dans la forêt canadienne et tombe nez à nez avec un orignal. Les deux vont se regarder. L'orignal va continuer à manger ou il va s'en aller lentement. Celui qui vit du sentiment va continuer à se promener. Celui qui vit de l'émotion marche dans la forêt et tombe nez à nez avec un orignal. Il va sécréter tellement que l'orignal va le remarquer, va le sentir. Qu'est-ce que c'est pour vous, dans la forêt, lorsque vous tombez nez à nez avec un animal et que vous vous mettez à sécréter? C'est que vous déclarez publiquement, cosmiquement, que vous n'avez jamais vu ça, que ça ne devrait pas arriver, que c'est exceptionnel, que c'est fantastique. Mais l'animal, là-dedans, il sent tellement petit qu'il sacque son camp. Il n'a pas le choix. Il n'est pas habitué, lui, d'être sous les feux des projecteurs humains. Quand un oiseau atterrit sur une branche, puis un orignal en train de manger, l'oiseau, l'orignal, l'orignal, l'orignal, l'oiseau. Quand le loup tombe nez à nez avec un orignal, savez-vous qu'est-ce qu'il fait le loup? Il sécrète. Les glandes salivaires se mettent à fonctionner. Tout le système digestif entre en opération, même le système sexuel. L'adrénaline est sécrétée, la noradrénaline avec. Un paquet de catécholamines. Le loup est totalement hormonalement, on est en train de le bâtir pour qu'il devienne une machine à tuer. Alors, il devient puissant subitement. Mais cette sécrétion-là, l'orignal l'aperçoit. Alors, immédiatement, il se met à réagir, lui aussi. Lutte pour la survie. L'orignal se met, lui aussi, à sécréter de façon à contrôler son simulacre de peur. Il y a quand même un panache. C'est une femelle, elle a au moins des pieds. Hein, mesdames, c'est ce qu'on s'en est souliers? Les autres, ils ont des sabots. Et puis, il va observer où il peut s'en aller, à grosseur qu'il y a. Il ne faut pas qu'il traverse les chênes ou les érables. Il faut qu'il passe entre, si possible. Et puis, il va sacrer son camp. Mais c'est juste endocrinien. Nous, nous arrivons dans le décor, pas de fusil, pas d'arc, rien. Puis on tombe, elle n'est née qu'un loup ou un orignal, puis on sécrète comme si on était un prédateur ou un prédaté. Ça, c'est rendre un événement naturel, le rendre anormal. Alors, comment voulez-vous vous énergiser, rajeunir? Imaginez-vous un jour, si une soucoupe volante atterrit sous votre nez, qu'est-ce que vous allez faire? Vos beaux cheveux noirs vont devenir blancs dans 15 minutes. Il y a des humains qui vieillissent d'une façon radicale à cause de la peur. L'émotion fait cela. Alors, on doit mentalement considérer que la vie doit être quelque chose sur lequel on passe. On est dans l'eau comme un bateau, on fend l'eau, puis derrière, l'eau n'est jamais brisée. On avance. On n'essaie pas de tout ramasser l'eau qu'on a passée avec nous autres. On n'avancera pas, bien vite, à un moment donné, on va couler. Ce qui arrive, on coule, on meurt. La vie, c'est de l'énergie. Ça se boit. Quand on est jeune, on la boit. La première fois qu'on voit un oiseau, on a les yeux grands comme ça, la bouche ouverte, on mange. La 250 000e fois qu'on voit un oiseau, le moineau, là, rien à foutre avec ça. Le sentiment, c'est de l'énergie qui nourrit. Tous les humains qui vivent ont des sentiments. Et très rapidement, ils les mémorisent et maintenant, ils les remarchent. C'est l'émotion. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, que j'appelle aussi enfant Teflon, n'est pas un robot. Il s'assoit devant un paysage extraordinaire et à un moment donné, il se lève. Et tu lui dis, est-ce que tu aimes ça, la place ici? Il peut aussi bien répondre oui. Il peut aussi bien répondre quoi? Il peut aussi bien répondre, quelle heure qu'il est, j'ai faim? Et on va dire, ouais, mais il est robotique. Parce qu'il ne souffre plus. Parce qu'il n'a plus peur. Parce qu'il n'use plus son corps physique pour exprimer sa psychologie. Parce qu'il se sert de sa parole et de son mental pour exprimer et non pas son corps physique d'une façon inconsciente. C'est pas un robot. Il voit une personne blessée, il est capable de l'aider. Sentimentiquement parlant, il va boire l'onde de forme et décoder la problématique. Il saura même quoi faire. Émotivement, il sera totalement fait devant l'accidenté. Il ne pourra pas rien faire.